Activité 5, page 123, piste 98. A. Un gars habite à Hue. C'est une ancienne capitale du Vietnam. B. On habite à Hanoï. C'est une ville culturelle. C. Pauline habite à Paris. C'est une grande ville.